Dimanche 31 janvier 2010, 11h39, de Alan à Mathieu. Salut Mathieu, une vieille idée me trotte dans la tête depuis quelques temps. Je suis fan de vulgarisation scientifique, je lis tout ce qui me tombe sous la main en cosmologie, astronomie, biologie, physique, sciences de l'environnement. Je trouve que l'offre en vulgarisation scientifique en Suisse romande, et en francophonie en général, est nullissime. C'est juste pas dans la culture. Les scientifiques ont l'air de ne pouvoir exister que s'ils complexifient le discours à outrance et les journalistes ne jouent pas le jeu de la simplification. Ou alors enfantine. Bref, j'ai un vieux projet de vulgarisation scientifique qui me trotte en background dans un coin de la tête et je me dis que ça pourrait se concrétiser sous forme de podcast, que je verrais bien sous forme de dialogue interactif à la Niptech Podcast. Je cherche donc un partenaire. J'ai cru comprendre à travers tes partages dans Google Reader que tu as un peu les mêmes intérêts et des sources hispanophones complémentaires aux miennes. Du coup, le premier nom qui me soit venu à l'esprit est le tien, même si je ne te connais entre guillemets que par réseaux sociaux interposés. Ah, au sujet du timing, on parlerait de début juin pour commencer quelque chose. Impossible pour moi avant fin mai. Voilà. Bon, te formalise pas trop si ça ne t'intéresse pas. Je suis bien conscient que je tire des plans sur la comète et que tu as sans doute d'autres chats à fouetter. Mais si jamais ça t'intéresse, j'ai commencé à formaliser un peu mes idées. C'est très volontiers que je partage mon Google Wave sur le sujet. A plus, Alan. Dimanche 31 janvier 2010, 20h11, de Mathieu à Alan. Salut Alan, c'est vrai qu'on semble avoir les mêmes intérêts autour de la science. D'ailleurs, moi aussi, ça fait longtemps que je pense à faire quelque chose sur ce thème. J'avais imaginé faire des entretiens avec des scientifiques de l'EPFL pour divulguer leurs travaux et recherches, mais bon, c'est resté un projet dans ma tête, comme de nombreux autres. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je vis en Espagne, à Barcelone, d'où les nombreuses sources hispanophones que je partage sur le web. Depuis quelques mois, je me suis aussi lancé dans le développement d'applications sur Android, ce qui m'occupe beaucoup. Pour être honnête, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de participer à ton projet, mais ce n'est pas l'envie qui manque. J'ai toujours eu envie de vulgariser la physique quantique, les neurosciences, etc. Néanmoins, je serai en Suisse entre le 22 février et le 7 mars. On pourrait en profiter pour se rencontrer, se connaître et en discuter. D'ici là, tu pourrais partager ton wave pour que je vois un peu dans quelle direction tu pars et que je puisse peut-être ajouter quelques idées. A plus. Dimanche 31 janvier 2010, 21h32, de Alan à Mathieu. Hello Mathieu, merci de ta réponse. À vrai dire, je me suis demandé si tu n'étais pas en Espagne, mais j'ai pas poussé l'enquête très loin. Je comprends bien ton souci de disponibilité. À vrai dire, objectivement, j'ai pas de temps non plus. Je dois être complètement inconscient pour ne serait-ce que formuler l'idée. Mais bon, pour le moment, je veux croire que ça ne me bouffera pas complètement le peu de marge de manœuvre qu'il me reste. Bonne idée de se rencontrer quand tu seras en Suisse. Tu seras du côté de Lausanne? Si on peut se voir un vendredi ou le week-end, ton heure sera la mienne. J'ai partagé le wave, n'hésite pas à y ajouter tes idées, je me réjouis d'avoir un autre point de vue. A bientôt, bonne soirée, Alan. Ils se sont rencontrés, vous connaissez la suite. Bonjour, bienvenue dans ce 8e numéro de Podcast Science. Bonjour et bienvenue dans ce Podcast Science numéro 9. Je réquisitionne Podcast Science. La Podcast Science, c'est vraiment à moi. À bas, les vieux. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 14. Nous sommes le mercredi 21 mars et c'est le numéro 78 de Podcast Science. Podcast Science s'unit à Xirin dans un épisode qui risque de chambouler certaines idées bien ancrées dans nos consciences. Bonjour à tous, vous écoutez Podcast Science numéro 86. Vous êtes dans Podcast Science et c'est l'épisode numéro 97. On va peut-être abréger là. Bienvenue dans Podcast Science, c'est donc la 100e épisode avec l'équipe normalement au grand complet. En tout cas, on a Nico, Mathieu et moi-même Alan réunis à Lausanne. Salut tout le monde. Salut. On devrait avoir Franck à Paris, mais on n'a pas encore eu de signe de vie, donc il va probablement nous rejoindre en cours de route. Et puis on a Marco à Lyon, Marco qui a une bonne nouvelle à nous annoncer. Salut Marco. Salut tout le monde. Et félicitations. Oui, une bonne nouvelle, un heureux événement. Donc j'ai été papa il y a 4 jours. Bah écoute, félicitations. Formidable. Merci. Ouais, c'est génial, ça fait plaisir. Donc on, On a vu la genèse, les origines du podcast, et puis au cours de cet épisode, on va égrainer gentiment les 100 épisodes tout au long de cette émission rétrospective, en s'arrêtant sur les moments forts et marquants. Et puis on reviendra sur au moins un événement marquant de la période 2010-2012, c'est Mathieu qui nous en parlera, donc il se collera à l'exercice en nous apportant des précisions sur le boson de Higgs, ce sera en fin d'émission. Mais pour le moment, donc on va revenir un petit peu sur les débuts. Podcast Science a commencé le 1er septembre 2010 avec un premier épisode qu'on avait appelé « Science sans conscience ». C'était un épisode avec zéro auditeur. On n'a pas trop bafouillé, il faut dire qu'on s'était pas mal entraîné. On vous a épargné jusqu'ici les épisodes zéro. Je crois que vous méritez quand même, fidèles auditeurs, d'entendre ne serait-ce qu'un petit passage d'un des premiers pilotes de Podcast Science. Très bien, on va peut-être y aller, non ? On commence par quelques news. À l'attaque, ouais. Toi, t'as préparé quelques news ? Alors, je vais peut-être commencer par quelques petites news que j'ai lues. En fait, ouais, chaque semaine, je suis abonné à un certain nombre de blogs qui parlent de news scientifiques ou qui expliquent certains phénomènes, et j'en ai mis de côté quelques-uns. Alors, le premier, est-ce que tu sais pourquoi la Lune s'éloigne ? Non, j'ai merdé là. Bon, on reprend. Ok, on va arrêter là. C'était drôle, mais je crois qu'on devait avoir une sacrée dose d'inconscience pour se lancer quand même. Mais je suis plutôt content qu'on l'ait fait. Pour le premier épisode, donc, Mathieu nous avait parlé du problème mathématique à 1 million de dollars, le fameux P n'est pas égal à NP. Perso, ça me rappelle un problème que j'ai avec les jeux de cartes. J'apprends très facilement les règles le temps de la partie, j'ai beaucoup de plaisir à jouer, puis je les oublie tout de suite et je vais tout recommencer à zéro le coup d'après. Ce problème P égale NP, c'est un peu la même chose. De mon côté, j'avais parlé d'un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps, la notion de preuve scientifique. Donc on a démarré plutôt fort avec des sujets assez costauds. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas ? Ben, le succès de Podcast Science laisserait plutôt présager que oui. On n'avait pas une idée très claire de la direction qu'on souhaitait prendre à l'époque. On n'avait pas vraiment de profil d'auditeur cible en tête. On savait qu'on ne voulait pas faire dans le sensationnalisme, ni dans la vulgarisation pour enfants, ni dans la communication scientifique institutionnelle cryptique à la française. Aujourd'hui, évidemment, tout ça nous paraît beaucoup plus clair. Je dirais qu'on s'adresse à des gens intelligents, capables de comprendre n'importe quel concept scientifique si on utilise un vocabulaire adapté, mais qui n'ont pas forcément choisi d'en faire leur spécialité. Et puis quant au style, le ton était donné dès le premier épisode, je crois. Nous faisons évidemment aujourd'hui beaucoup plus attention à vérifier systématiquement nos sources et à les citer, mais sur le fond, la démarche n'a pas tellement changé. Un de nos auditeurs fidèles, un bon ami qui a participé à l'émission d'ailleurs, soit par commentaire interposé ou alors carrément prenant le micro assez récemment, George McKee l'a défini plus tard. Enfin, c'est ce qu'il appelait. Il se posait la question, c'est quoi le grand podcast science ? Ben, c'est assez facile. En réalité, un coup de génie. J'irai pas jusque là. Enfin, merci George. Comment, après un pari stupide, je me fais fort d'expliquer à mon pote ce que sont les neutrinos ? L'eau bleue, Fibonacci ou la matière noire. Au départ, je n'y connais pas plus que toi, mais je vais bosser le sujet, et comme j'aime pas tes questions pertinentes ou impertinentes, je vais essayer de peaufiner le dossier le mieux possible et de ne pas passer pour un neuneu. Et ton pote, c'est moi. Enfin, nous, les auditeurs. Et si à la fin, t'as compris, en gros, très gros, et surtout que tu commences à avoir des bases pour te poser les bonnes questions, disons des questions moins cucu, voilà Podcast Science. Pour moi, c'est un peu un hommage. J'adore ce message de George McKee. C'est une ligne dont nous nous sommes éloignés un peu parfois, en grands expérimentateurs que nous sommes, mais c'était pour mieux tenir le cap et y revenir sur le long terme. La première quote de Mathieu, dans cette première émission, Mathieu, tu t'en souviens ? Ouais. Tu nous l'as fait ? C'était « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». De François Rabelais. Ouais. Et puis le tout premier commentaire, c'était un commentaire de Ben, de Niptech Podcast, donc notre parrain dans la podcastosphère, qui nous rappelait en passant, le challenge, comme disait John Dvorak, c'est d'atteindre les 18 mois. Et ben, challenge accepted, mission accomplie, même je crois qu'on a tenu plus de 18 mois, puisque ce soir, on fête nos 2 ans. Le deuxième épisode s'appelait... Alan, excuse-moi, ouais. je te coupe un peu. C'est pas dans le premier épisode aussi qu'on apprend d'où vient ton surnom Professeur Fon? Si, c'est là, c'est vrai. C'est un surnom qui m'avait été affectueusement attribué par l'équipe de Niptech, justement. Je ramenais tout le temps ma science. J'avais participé dans deux de leurs épisodes à l'époque. Donc eux parlent de tech, de start-up, de nouvelles technologies, d'inspiration, etc. Puis moi, j'avais apporté ma petite contribution en parlant de science et de tech. Et puis on m'avait surnommé Professeur Fon. Du coup, c'est resté. En fait, ça a plu à Mathieu. Je crois que c'est lui qui a propagé le mème. Puis ouais, c'est resté. Donc deuxième épisode, c'était une semaine plus tard, le 7 septembre 2010. On avait commencé avec quelques news, dont l'une particulièrement creusée par Mathieu sur les promesses de l'ocytocine de synthèse. Et j'avais fait un dossier sur le bonobo. On avait un commentaire de Minaret qui a tout de suite rectifié le tir d'une des bêtises que j'avais dites dans le premier épisode. Comme quoi, on avait quand même un ou deux auditeurs. Mais on sait pas quand ils sont arrivés. J'avais raconté des âneries au sujet du design du Concorde qui se trouvait simultanément sur les planches à dessin de plusieurs ingénieurs de la planète. J'avais attribué la victoire aux Américains alors que le Concorde est une réalisation européenne, essentiellement franco-britannique. Comme d'hab, je m'étais lancé sans préparation à la mode café du commerce, mais le mécanisme d'autorégulation de Podcast Science était déjà en place. Le peer reviewing était à l'œuvre, la vérité rétablie grâce à un commentaire. Ça aussi, c'est l'esprit Podcast Science. Troisième épisode, qu'on avait appelé la constante de 45 minutes, du nom d'une obsession qui n'aura pas duré très longtemps, celle de limiter la durée de chaque épisode à 30 minutes au maximum. Évidemment, c'était peine perdue, comme vous le savez. Dans ce troisième opus, Mathieu avait creusé une news publiée quelques temps auparavant sur la constante alpha, qui ne serait pas les mêmes dans tous les coins de l'univers. Tandis que de mon côté, j'avais préparé un petit dossier sur l'épigénétique. J'en ai appris tellement sur le sujet depuis, notamment grâce à Pierre Kerner, que je ne présenterai plus du tout les choses de la même manière aujourd'hui. On apprend de nos erreurs. Voilà pour les trois premiers épisodes. Je passe la parole à Nico. Ouais, on avait envie de vous faire participer un peu dans la chatroom, parce que là, vous découvrez les côtés du côté podcast science. On avait envie d'avoir des informations du côté auditeur. Avec deux questions, on aimerait savoir si vous vous souvenez de nous raconter comment vous avez découvert podcast science. Alors, si c'est trop long, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et plus simple peut-être, parce que c'est plus souvent, c'est que faites-vous quand vous écoutez podcast science, dans quelles circonstances. Voilà, donc il y a la chatroom pour répondre et on lira les commentaires, et les meilleures réponses seront sans doute un petit cadeau surprise. Ok, podcast science numéro 4, des salamandres et des feux rouges. Donc Mathieu avait creusé des news sur les salamandres, dont on pourrait s'inspirer pour régénérer nos propres membres en introduisant quelques gros mots comme axolotl et néoténie, tandis que je m'étais attaqué à la génétique mendélienne dans un dossier sur le daltonisme. Podcast science numéro 5, c'était la réponse à l'ultime question de la vie, de l'univers et de tout, parce qu'il y avait un fait marquant qu'on n'a pas pu louper. On avait 42 fans sur notre page Facebook à ce moment-là, donc après 5 épisodes. Pour rappel, évidemment, 42, c'est la réponse à l'ultime question de la vie, de l'univers et de tout. Et les 42 fans à l'époque étaient essentiellement des amis de notre prescripteur de la première heure, Xavier Durussel, à l'époque Xavier Agnès, qui était déjà fan au cinquième épisode et qui nous faisait une promo d'enfer. Et Mathieu, qui jusque-là avait surtout creusé quelques news qu'il avait glanées ici et là, il a commencé à l'occasion de cet épisode à se lâcher, à nous offrir des gros dossiers. Donc là, c'était la première moitié de son premier gros dossier, la théorie des cordes. Suivi la semaine suivante de la suite F1 du dossier sur la théorie des cordes, il s'était déchaîné avec tour à tour la relativité générale, la mécanique quantique, le modèle standard, Théodore Kaluza, les constantes de la nature, la théorie M, les 11 dimensions, les multivers, le graviton, le Big Bang, le LHC. Un style était né, le style, le dossier impossible de Mathieu. Tandis que de mon côté, je poursuivais mon apprentissage de vulgarisateur scientifique à coups de boulettes en annonçant triomphalement l'habitabilité de l'exoplanète Zarmina ou Gliese 581G qui a été remise en question une semaine plus tard et qui est encore discutée aujourd'hui. No comment. Juste deux secondes, je vous rassure tout de suite, on ne va pas passer les 99 épisodes comme ça. Non, bien sûr. Bien sûr, là on fait un peu le point sur les premiers épisodes, ensuite on avancera un peu plus vite et on écoutera quelques extraits. Mais les 10 premiers me paraissent quand même importants parce qu'ils ont vraiment donné le ton et l'esprit du podcast. Donc l'épisode 7, on l'avait appelé l'épisode maudit parce que c'était nos premiers problèmes avec Skype qui n'avaient pas trop mal fonctionné jusque-là. On faisait pas encore de live à l'époque. L'émission consistait juste en l'enregistrement d'une conversation Skype entre Mathieu et moi, additionnée d'un générique de début et de fin. Et puis je commence évidemment dans cet épisode par m'excuser de m'être un peu trop précipité avec mon exoplanète stupide, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vérifier mes sources quasi avec la rigueur d'aujourd'hui. J'avais ensuite présenté un mini dossier sur le graphène tandis que Mathieu parlait du test de la tâche chez les macaques. Et puis le podcast Science numéro 8, il y avait déjà une nouveauté. C'était le premier podcast qu'on faisait à trois, donc c'était la première participation d'Antoine en tant qu'invité tout d'abord. Antoine parlait de l'accent des baleines. Les baleines ont aussi leur accent du midi et leur accent ch'ti. Mathieu parlait de la géométrie fractale, de la théorie du chaos, en hommage à Benoît Mandelbrot, qui était décédé quelques jours plus tôt. Et puis moi, je ne sais même plus de quoi je parlais. Épisode 9, c'était le paradoxe du poulpe en plus. Donc Antoine était officiellement le troisième larron de la bande. Moi, je vais parler de l'intelligence du poulpe, probablement beaucoup mieux équipé que moi pour faire face au paradoxe de Zénon, que nous avait présenté Mathieu dans le même épisode. Et puis, j'ai retenu la côte de ce neuvième opus, Mathieu. Tu t'en souviens, je la trouvais vraiment bien, je m'en suis resservi à de maintes occasions après. Je m'en souvenais pas, mais là, je l'ai sous les yeux parce qu'on a quand même préparé un peu l'émission. Alors, je vais la dire en anglais. An expert is a man who has made all the mistakes which can be made in a very narrow field. Ouais, donc un expert est une personne qui a fait toutes les erreurs possibles dans un domaine spécifique. Et c'est une quote de... Niels Bohr. Voilà. Podcast Science numéro 10, premier chiffre rond, premier bilan. On avait 132 abonnés sur notre feed RSS. On avait eu 1654 downloads, donc 165 par épisode. On en avait 206 pour le dernier épisode, donc c'était le numéro 9. Et on avait un record à 276 downloads. On reviendra sur les stats d'aujourd'hui, mais enfin, ça a quand même pas mal explosé depuis. Je crois qu'on parle de 2000 à 3000, 3700 ou 3800 épisodes pour l'épisode record. 3800 downloads, pardon, pour l'épisode record. On avait 65 fans sur notre page Facebook, je crois, je sais plus combien aujourd'hui, 475, je crois. Et puis, on a un peu plus de 800 followers Twitter. On en avait 46 à l'époque. On avait parlé de biais cognitifs et de psychologie de la peur. Voilà, comme le disait Mathieu, même si j'arrivais à m'en tenir à une minute par épisode, et c'est franchement mal parti, il me faudrait peut-être 2 heures pour terminer cette rétrospective en quelques minutes. Donc je vais passer plus rapidement sur les épisodes suivants, en m'arrêtant sur les moments particulièrement marquants. D'abord, on a parlé tour à tour de brevetabilité du vivant, d'oreille absolue, d'éruption solaire avec l'événement de Carrington, de carbone 14, de vieillissement cellulaire, de triskaïdécaphobie pour l'épisode numéro 13. Ça, c'est un très joli mot-clé. Quelqu'un se rappelle de ce que c'est que la triskaïdécaphobie? Oui, c'est la peur, la phobie du numéro 13, non? Oui, exactement. C'est la phobie du nombre 13. Pour l'épisode 14, on avait parlé de la physique des plasmas avec un invité de Mathieu, c'était notre tout premier invité, Paolo Ricci de l'EPFL, qui travaille sur le projet ITER, qui était en Suisse romande depuis 4 mois seulement. Il est italophone, mais il avait assumé tout un épisode en français, il n'avait pratiquement pas parlé un mot de français jusque-là. Merci d'ailleurs à mon fiston Léo pour la retranscription de cet épisode difficile, c'était pas évident. Puis c'est un épisode qui a attiré notre premier troll, à qui nous devons indirectement, par pur esprit de contradiction de ma part, un de mes épisodes préférés, c'était l'épisode numéro 25 sur le dénialisme scientifique, on va y revenir dans un instant. Puis entre-temps, on a parlé hibernation, désinfection solaire de l'eau, où je me suis de nouveau ramassé en disant des bêtises. On a également parlé de plasticité neuronale, d'interface cerveau-ordinateur, de la vallée de la Lune ou du parc d'Ishigualasto par Mathieu, qui était ce jour-là notre envoyé spécial en Argentine. Et puis, on avait évoqué à cette occasion-là les différences entre l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Et je crois, Mathieu, que tu voulais revenir, tu voulais profiter de la centième pour revenir, donc 83 3 épisodes plus tard, sur un mythe, le mythe du siphon de la baignoire qui ne tournerait pas dans le même sens selon qu'on se trouve dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Bon, c'est pas vraiment un mythe, mais en fait, je sais plus si on en a parlé dans l'émission même, quand j'étais en Argentine ou hors émission, mais vous savez que dans l'hémisphère nord, on dit que dans l'hémisphère nord, l'eau qui se vide dans un robinet ou une baignoire tourne dans un sens anti-horaire et dans l'hémisphère sud dans un sens horaire. Alors moi, j'avais fait le test là-bas et je m'étais rendu compte qu'en fait, dans l'hémisphère sud, ça tournait dans le même sens que dans l'hémisphère nord, ce qui m'avait un petit peu surpris. L'esprit scientifique de Mathieu. Et bon, j'avais pensé que j'allais... Enfin bon, j'ai pas cherché plus loin, finalement, ça m'a surpris, mais ça m'a quand même toujours un peu trotté dans la tête et voilà, j'ai la réponse. Alors bon, juste pour rappel, la force de Coriolis, c'est la force qui est appliquée justement quand l'eau tourne pour se vider dans une baignoire ou un lavabo. Et c'est une force qui est due à la rotation de la Terre. Alors en fait, cette force, on peut la voir bien avec des phénomènes atmosphériques comme les cyclones et les ouragans. C'est-à-dire que les cyclones et les ouragans dans l'hémisphère nord, ils vont tourner dans un sens anti-horaire, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et dans l'hémisphère sud, ils vont tourner dans le sens horaire. Mais alors on peut se dire, voilà, pour une baignoire ou un lavabo, ça va être la même chose. Ouais. Eh bien non, ce qu'il faut savoir, c'est que la force de Coriolis est très faible. Pour avoir du temps pour influer sur le sens de rotation de l'écoulement de l'eau dans un lavabo ou une baignoire qui se vide. En fait, il y a d'autres causes qui peuvent rentrer en compte et agir sur le sens de rotation de l'eau. Par exemple, la forme et la géométrie du lavabo ou de la baignoire peut avoir une influence. Il y a aussi des micro-courants qui peuvent se générer, des micro-courants d'eau, créés lors du remplissage ou aussi on agite un peu l'eau qui est dans la baignoire. Il y a des petites irrégularités en superficie qui peuvent aussi avoir leur influence. La position plus ou moins centrée du robinet ou du siphon d'écoulement a aussi une influence. Et d'éventuelles rainures dans le tuyau d'écoulement aussi. Donc, pour toutes ces raisons, quand on est dans l'hémisphère sud, l'eau ne tombe pas forcément dans le sens horaire, et quand on est dans l'hémisphère nord, l'eau ne tombe pas forcément dans le sens anti-horaire. Et juste pour terminer, il y a une vidéo assez drôle, parce qu'il y a, sur l'équateur, il y a un type qui... sur YouTube, il y a une vidéo que vous trouvez facilement, on pourra la mettre sur le site de Podcast Science. En fait, il y a un type pour les touristes sur l'équateur qui a un lavabo portable. Et puis, il essaie de montrer aux touristes que s'il va juste au-dessous de la ligne de l'équateur, ça tourne dans un sens et juste au-dessus dans un autre sens. Ah ouais, excellent. Donc, il montre ça, tout ça, ça marche très bien. Mais on voit très bien que des fois, il trempe un peu la main dans l'eau, il aide un petit peu en donnant une pichenette dans un sens ou dans l'autre pour que ça aille dans le sens qui l'intéresse. Donc, voilà, c'est assez drôle. Donc, voilà pour la force de Coriolis. Ok, encore un mythe qui s'effondre. Quelques premières réponses là-dessus. C'est qui est vraiment très répandu en plus. Oui. Quelques premières réponses, donc bon, il y a d'abord juste dans les pendant que j'écoute, j'ai repéré un qui est amusant, c'est pendant que j'écoute, je joue à Minecraft, ça parlera aux concernés. Sinon, comme on va sans doute faire l'année prochaine, c'est Alan qui un jour va y arriver à un dossier sur le multitasking. Là, c'est marrant parce que la plupart des gens écoutent en faisant autre chose, donc il y a pas mal de gens dans les transports. Actuellement, Pingouin écoute en faisant du repassage, donc voilà, c'est. Et dans les transports, c'est amusant, on avait eu une anecdote par mail de quelqu'un qui s'était fait tous les dossiers de Podcast Science et que ça calait pile avec son temps de trajet professionnel. Exactement. Donc, ouais. Voilà. Bon, on avait quelqu'un d'autre, c'était dans les premiers épisodes aussi, qui restait dans le parking de son entreprise le temps que l'épisode se termine. c'est assez marrant. Ok, si on reprend le fil de notre rétrospective, donc on est assez rapidement arrivé à la première trêve de Noël, et la reprise avec un Mathieu très en forme qui s'est attaqué aux constantes fondamentales de l'univers, un des épisodes les plus populaires du podcast. Je vais pas vous donner le nombre de téléchargements, parce que Nico va encore nous lancer un petit quiz sur la question dans un moment. Il y avait également une interview de Lucille dans cet épisode, notre illustratrice de choc, dont nous avons célébré l'arrivée à cette occasion-là avec une magnifique première illustration sur la plasticité neuronale pour l'épisode 16. Et puis, nous égrenons encore les paradoxes temporels, l'effet placebo, la loi de Benford, la loi de Stigler. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle ? Oui, la loi de Stigler, je l'avais cité plusieurs fois. Ouais, c'est toi qui avais lancé le truc, ouais. C'est quand on attribue une découverte à une personne qui n'est pas la personne originale de la découverte. Ouais, c'est ça. Ce que tu nous avais dit, c'était qu'une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur. Ouais. Bah, jamais.

en donnant l'impression que dans un domaine où il y a des faits qui sont établis, non, c'est le doute qui prévaut. Il y a toujours deux camps qui s'affrontent et ils créent principe ce de précaution artificiel. Mmh. C'est un peu le principe de précaution, mais tourné à l'envers. Exactement. Voilà, l'extrait était un peu long, mais j'y tenais quand même. Il me semble que c'était des choses assez importantes qui ont été dites. C'était pour nous un épisode assez exceptionnel. Ça nous a valu une invitation de Jean-Michel Abrassard, l'hôte du podcast Scepticisme Scientifique, avec qui on a fait un crossover et un numéro dans un numéro hors série. Après que Mathieu nous a expliqué pourquoi l'eau est bleue, ce crossover avec Jean-Michel a eu une conséquence assez inattendue. Nos communautés mutuelles se sont mixées et on a accueilli plein de nouveaux auditeurs sur Podcast Science, dont Pierre Kerner, qui trouvait les heures longues dans son labo de génétique évolutive à New York et qui s'est tapé les 27 épisodes précédents d'un seul coup. Et puis je crois qu'on a quelqu'un de la bande qui est arrivé à cette occasion-là aussi, non? Je me trompe? Marco, ben moi, c'est vrai que c'est le premier épisode que j'ai écouté de Podcast Science. Le tout premier, celui qui m'avait donné envie de t'écrire, Alan. Donc d'un côté, c'est grâce ou à cause de ton troll de départ qu'on s'est connus, hein, mine de rien. Ouais, c'est quand même fou. Hein. Moi, finalement, il aura quand même servi à quelque chose, ce troll. Je repasse la parole à Nico qui va nous faire un point. Ouais. Nico, c'est le monsieur interactivité. Ouais, monsieur interactivité. Voilà. Alors, Alan a réussi à vous convaincre que Podcast Science parlait déjà de pas mal de choses. On en est à quel épisode là? 27, c'est ça? Là, 28. On en est, ouais, 25. Donc, à l'épisode 28, Podcast Science parlait déjà de pas mal de choses. Et entre autres, ben, on met dans chaque dossier des tags, des mots-clés. Et donc, je vais vous en citer quelques-uns. Et le but du jeu, c'est d'essayer de nous dire de quel dossier ça vient. Donc voilà. On a par exemple parlé de Opalka. Donc je vous dis pas plus sur ce que c'est, je vous laisse trouver. On a parlé de prosopagnosie, qui ça, faut savoir que c'est le mot-clé qui amène le plus de gens sur le site internet de Podcast Science, donc c'est quand même la classe. C'est ça, ma petite fierté, ça. Bravo, ouais, je savais pas. Après on a parlé de n'importe quoi aussi. N'importe quoi, c'est un mot-clé. D'accord. De Big Rip, et peut-être le plus étonnant et donc à trouver, c'est Cheminade, qui a été évoqué dans un dossier de Podcast Science, donc... Je vous laisse retrouver quel dossier. Ok, on reprend le fil de notre histoire. Donc on a encore abordé tour à tour la bosse des maths, les bactériophages, la mémoire, où Antoine a réussi à me faire chanter le générique de Goldorak pour me démontrer que je ne l'avais pas oublié. On a parlé de la suite de Fibonacci, du nombre d'or. Et je dois de nouveau faire une petite pause dans mon énumération pour m'arrêter deux secondes sur l'épisode 29 avec une interview de Nicolas Gauvry sur le thème des biais statistiques. Je vous fais écouter tout de suite. Donc là, il ne parlait pas d'un biais statistique, mais du biais d'acquiescement. Donc c'est pas statistique, encore une fois, mais des biais dans les réponses que donnent les gens, qui sont bien connus des sondeurs. Et pour donner un exemple ou deux, il y a quelque chose d'assez discuté, c'est le biais d'acquiescement, c'est assez marrant, c'est que c'est une tendance à dire oui. Apparemment, les gens ont tendance à dire oui. Alors, par exemple, en psychologie de la santé, ça se traduit par l'effet suivant, si vous posez la même question à l'endroit et à l'envers, ça donne des résultats contradictoires. Si vous demandez aux gens, est-ce que vous pensez bien à prendre régulièrement vos médicaments, ils vous répondent oui, par exemple, j'exagère un peu le trait, hein, mais à 60%, et puis, si vous leur demandez, est-ce qu'il vous arrive d'oublier vos médicaments, ils vous répondent aussi oui à 60%. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a 20% qui disent des trucs contradictoires. Donc voilà, ça se tient en compte de la formulation de la question, en fait. Il faut faire attention pour lorsqu'on formule la question pour pas avoir ce biais, en fait. Voilà, quand on fait des expériences avec des questionnaires en psychologie, qu'on les fait sérieusement, par exemple, si ça doit faire un test qui va être validé ensuite. En général, chaque question est posée deux fois, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, pour annuler l'effet de le biais d'acquiescement. Mais il y a plein d'autres biais qui interviennent, notamment, alors si c'est en face à face, l'allure de la personne qui pose la question est très importante. Il y a aussi des différences éventuelles, ça on en a parlé récemment, entre ce que les gens répondent quand c'est une version téléphonique, une version internet et une version papier du même questionnaire. L'ordre des questions joue évidemment. Et puis la formulation. Bon, ça, c'est... Donc ça, on appellerait ça des biais cognitifs ou comment... Oui, c'est des biais cognitifs. Ouais, là, c'est... Et les sondeurs connaissent ça, mais par contre, dans la plupart des sondages qui sont faits pour des revues grand public, on ne fait pas du tout attention à ça. Hein. Mmh. Ou alors, si on fait attention, c'est pour obtenir le résultat qu'on avait décidé d'obtenir au départ. Voilà, donc ça, c'est un tout petit extrait de l'épisode 29. C'était une interview où on n'avait pas été super bon sur ce coulant. En la réécoutant, je me suis rendu compte qu'on avait un peu des problèmes dans la préparation. Mais n'empêche que c'est super intéressant à écouter parce qu'il a vraiment cassé des tas d'idées reçues. Moi, j'avais adoré aussi cet épisode. Et puis, en général, j'ai toujours adoré les podcasts de Nicolas Gauvry là, qui intervient dans le podcast Scepticisme Scientifique, et c'est vrai que je trouve génial à chaque fois ces podcasts. Il m'a appris plein de trucs, c'est dingue, ouais. Et plein de trucs pour développer un peu l'esprit critique. C'est vrai que c'est des choses sur les mathématiques, les statistiques, on est quand même assez mal munis pour les appréhender, quoi. Exactement. Je me souviens par exemple du paradoxe des anniversaires, quoi. C'est un truc, à chaque fois que je la pose à quelqu'un, je piète toujours des résultats de 5%, 10%. Alors, oui, bon, je sais pas si tout le monde connaît le paradoxe des anniversaires. Écoute, on peut le réécouter. C'est Xavier Durussel, enfin, il s'appelait Xavier Agnès encore à l'époque, qui était venu nous en parler, parce que Nicolas Gouvry avait écrit un livre là-dessus. Xavier l'avait gagné à un concours qu'on avait organisé, puis il était venu nous le présenter. J'ai plus le numéro en tête maintenant, mais on va y venir dans un instant. D'accord, bon, on en reparlera plus tard. Ouais, je crois que Nico va nous refaire un petit point sur Ah ben alors oui, le petit point, c'est que la chatroom a été très très forte, donc quasiment tous les mots-clés, en fait, sauf un, ont été trouvés. C'est-à-dire que donc Big Rip, c'était dans le podcast science numéro 22, sur l'histoire de l'univers, c'est Cédric qui a trouvé en premier. Prosopagnosie, c'était Pingouin qui a trouvé que c'était dans l'épisode 98. Opalka, dans l'épisode 74, c'est Mantine qui a trouvé. Cheminade, où on commence, c'est trop tag un peu plus compliqué, c'était le 83 sur la politique, c'est John Kadak qui a trouvé. Par contre, n'importe quoi n'a pas été trouvé, alors même si certains dans la chatroom m'ont dit que c'était souvent n'importe quoi, il y a un dossier où il y a n'importe quoi comme. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut dire, oui, on peut donner un indice, c'est que c'est un dossier récent. Ouais, on donnera bientôt un deuxième indice. C'est ça. Ok, là on en est déjà au 1er avril, où on a déconné un petit peu, c'était déjà une habitude. Et puis Mathieu a remis la compresse avec un autre blockbuster, c'était la matière noire. Disparition d'Antoine, qui devait revenir après quelques semaines et qui finalement n'est jamais revenu. Et puis on a parlé tour à tour de rayonnement électromagnétique, des mystères du pop-corn, il n'y avait aucun lien entre les deux. Et puis on a revu légèrement la formule à l'occasion de l'épisode 33. On a décidé de faire le dossier en premier et le blabla plus tard à la demande générale, ce qui a donné des épisodes quand même vachement mieux structurés. Je suis assez content qu'on l'ait fait. Et puis le dossier donc, qui a inauguré cette nouvelle formule, c'était un dossier de Mathieu sur la synesthésie. Quelqu'un se rappelle de ce que c'est que la synesthésie ? Mathieu, tu n'as pas le droit de parler. Alors oui, je m'en souviens très bien, celui-là, il m'avait marqué, puisque j'étais à ce moment-là, j'étais en train de rattraper mon retard dans la série Heroes, et il y a justement un personnage qui est synesthète dans Heroes, c'est-à-dire qu'elle, elle voit les sons, en fait, en couleur. Exactement, c'est vrai, ouais. C'était un personnage sourd qui jouait du violoncelle, si j'ai bonne mémoire, mais qui du coup pouvait voir ce qu'elle jouait. Bon, c'est peut-être un cas un peu extrême de synesthésie, mais Mathieu nous avait montré qu'il y avait d'autres choses. Mais toi, ça t'avait marqué, quand on en a parlé rapidement en préparant l'émission, je crois que c'était aussi sur le niveau de fiabilité des perceptions, quoi, que ça t'interpellait. Oui, parce que d'un côté, pourquoi quelqu'un qui verrait, par exemple, qui verrait les sons, pourquoi serait-il plus dans le faux que nous qui les entendons avec nos oreilles, quoi. Enfin, au niveau de l'interprétation, pourquoi serait-il plus dans le faux, quoi. Je sais pas, ça m'avait amené à des réflexions comme ça, en fait, qu'est-ce que la réalité. C'est marrant, excuse-moi, c'est marrant que tu dis ça, Marco. Tu verras la côte à la fin de l'épisode, va rejoindre un peu ce que tu es en train de dire là. Et il me semble, mais bon, c'est de mémoire, donc ça va pas être très fiable, que tu avais dit, Mathieu, pendant l'épisode sur la synesthésie, que les synesthètes se rendent pas compte qu'ils ont un truc particulier. Forcément, si on leur dit pas que. Pour eux, c'est normal, quoi. Tout le monde voit pas comme eux des couleurs sur des chiffres ou comme ça, forcément. Ouais. Mmh. Ouais, c'est épatant. Je vois Nico qui s'agite beaucoup, qui a l'air de crier victoire, comme s'il avait vécu son moment d'Eureka. Il s'est passé quelque chose dans la chatroom. Ah non, mais ça y est, le dernier tag est tombé. C'est Florian qui a trouvé que c'était l'épisode 94, n'importe quoi, sur les sciences de l'autoroute. D'accord. Okay. Étonnant, parce que c'était intéressant. Pourtant. Oui, mais c'est pour la deuxième partie du dossier, je pense. J'avais dit n'importe quoi. Non, je me détaille. Donc, ouais, c'est Florian qui a trouvé. On en a d'autres. Hein. On avait abiogénèse, si vous voulez essayer de trouver. Il y a anodante, allométrie, agnate. Agnate. Ouais. Voilà, donc si vous avez envie de trouver aussi les dossiers suivants. Et ça, c'est que les A. On peut aller jusqu'à voilà. Z comme ça. On peut aller jusqu'à Z comme ça. Reprise de notre flux. Épisode 34, on avait parlé de chimie avec Marc Montangero, qui est prof de chimie au gymnase, c'est-à-dire au lycée de Morges, en Suisse, qui, à l'occasion de l'année de la chimie, avait lancé une initiative assez cool. Il faisait une expérience de chimie en 2 minutes par semaine, en vidéo, sur un site qui s'appelait chimie.ch/nul. Pour ceux qui se posent la question, 2012, vous savez ce que c'est comme année internationale ? Chimie ? Ben non, justement pas. C'était 2011. Alors j'ai dû chercher. C'est l'année internationale de l'énergie durable pour tous. Raison pour laquelle personne n'en a entendu parler, j'imagine. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pour ça que j'en ai jamais entendu parler. Ben voilà, ouais. S'ensuivent une longue série, grosso modo sans histoire. On a parlé de choses intéressantes, de caféine, d'énergie noire, de test ADN, de la lumière. Et puis c'est là justement que Xavier Agnès, désormais du Russel, est venu nous présenter le livre de Nicolas Gauvry. Marco, je crois qu'il y a un truc qui t'avait frappé dans l'épisode sur la caféine. On va juste La caféine, c'est vrai, ouais. Alors c'est un épisode, au début, je l'écoutais en me disant pourquoi pas, et puis... J'avais été surpris d'apprendre que la caféine et la théine sont en fait la même molécule. Alors c'est un truc que je ne savais pas du tout et c'est vrai que ça m'avait bluffé. C'est exactement le genre de truc que vraiment j'adore apprendre, tu vois, que des choses de tous les jours où tu t'es jamais posé la question et en fait t'apprends que c'est la même chose. Mm-hmm. Je me rappelle que ça m'avait beaucoup surpris aussi. Ouais. Et puis Marco, justement, c'est à peu près à cette époque-là qu'on a reçu un message. Sur Podcast Science, d'un certain Marco, c'était le 24 mai 2011. Et tu l'as sous les yeux, tu peux nous dire ce qu'il disait ? Ouais, le 24 mai 2011 déjà, ouais. Donc ouais, alors j'avais dit bonjour, oui, parce que je dis bonjour au début. Donc bonjour, je suis un amateur de science et j'ai découvert sur iTunes vos podcasts que je trouve de très bonne qualité et permet de revoir ou étoffer sa culture scientifique. Donc tout d'abord, félicitations pour la qualité de vos podcasts. Donc, en tant que nouveau fan, je vous contacte pour vous proposer de vous soumettre un sujet que je pourrais rédiger et vous transmettre afin que vous le présentiez en podcast. Ce sujet concernerait les arguments créationnistes ou anti-darwiniens. En effet, j'affectionne particulièrement l'étude de l'évolution du monde vivant et je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de montée d'une pensée anti-évolutionniste, notamment sur Internet. Peut-être connaissez-vous Harun Yahya, auteur de nombreux sites de propagande créationniste. Je me suis dit alors qu'il serait intéressant de faire un sujet sur la réfutation de pseudo-arguments que l'on entend, ça et là, de la part des créationnistes, et apporter une meilleure idée du déroulement de l'évolution des espèces qui semble très mal comprise par les non-initiés. Entre parenthèses, combien de personnes ont à l'esprit l'idée reçue que l'évolution est une chaîne linéaire, ou un mécanisme pyramidal du moins bien vers le mieux avec l'homme au sommet? Donc si cela vous intéresse, je peux vous faire un papier, et libre à vous d'en faire un sujet. Prenez cela comme une simple proposition. Vous êtes absolument libre de ne pas être intéressé. Cordialement, Marc. Ouais, c'est une... Donc voilà, c'est vrai que vous avez écrit ça. En fait, je venais d'écouter le podcast sur le dénaïf scientifique. Et puis, je me suis dit pourquoi pas proposer ça. J'avais envie qu'on parle un peu d'évolution et des arguments créationnistes. Je me suis dit, si ça peut aider au moins une personne après avoir des arguments pour réfuter les créationnistes, voilà, ça serait une victoire. Ouais. Et tu penses, on est avec un mail pareil, si on a sauté sur l'occasion. D'abord, je trouve assez rigolo, tu l'as signé Marc, mais ton username, ou je sais plus ce que c'était le nom dont on a la email, c'était Marco, du coup moi ça m'est resté. T'es devenu Marco en fait, sur le podcast. Oui, c'est vrai. Bon, voilà, tu peux faire ton coming out, en réalité tu t'appelles Marc. Alors aussi pour la petite histoire, c'est que moi j'avais pas du tout l'intention de passer faire un podcast, et puis c'est vrai que tu m'avais répondu, tu m'avais proposé de carrément le présenter. Alors bon, j'ai une petite montée de stress sur le coup, et puis après j'ai dit bon, je vais passer pour un petit joueur si je dis non. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai accepté, Et puis, bon, ça fut difficile, mais ça s'est passé. Ouais, mais qu'est-ce qu'on est content que tu l'aies fait. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas un mot sur le fait que tu passes à l'antenne dans ton premier mail. Ta proposition, c'était de rédiger un dossier. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, libre à nous d'en faire un sujet éventuellement. Mais on n'allait pas, on n'allait pas laisser passer ça comme ça. On a senti la recrue, la perle rare. Il fallait absolument qu'on mette la main dessus. On la perle rare, en exagérant. Bon, j'insiste. Alors, en parlant de perles rares, on a Nico qui s'agite une nouvelle fois. Alors, comme on parle de Marco et qu'on parle d'arguments contre les créationnistes, etc., j'ai mis une image sur la page du live et il y avait une image cet après-midi sur Twitter un peu bizarre. Avec, peut-être que tu peux plus nous en parler, Marco, parce que ça a fait l'objet d'un concours d'essayer de deviner quel était cet animal étrange qu'on a mis en image. Tu vois de quoi je parle ou pas? Ah oui, le crocodoc. Le crocodoc, c'est ça. Oui, oui. Alors ça, si je me souviens bien, c'était en fait lors d'une émission aux États-Unis. C'était un débat télévisé sur est-ce que Dieu existe. Et il y avait un acteur américain qui était de, alors je ne sais plus quelle série, et je ne sais plus son nom, comment il s'appelle, Kirk Cameron. Kirk Cameron, donc, qui lui est un procréationniste. Et il avait montré une photo en fait d'un animal qui était avec un corps de canard et une tête de crocodile, et il avait dit voici la preuve que, je crois, un truc comme ça, que Dieu n'existe pas, parce que cet animal n'existe pas, et donc en montrant ce crocodoc. Et donc ça a beaucoup fait rigoler la communauté scientifique quand même, évolutionniste, parce que bon, ça montre qu'ils ont vraiment rien compris à ce qu'est l'évolution. Et puis pour la petite histoire, je crois que c'est en 2009 qu'a été trouvé un fossile de dinosaure qui avait une sorte de bec de canard et une queue de crocodile. Donc finalement, en fait, on a trouvé le crocodoc. D'accord. Ok, et donc oui, donc cet après-midi, on avait essayé de faire deviner aux gens ce que c'était. Donc on a eu principalement trois personnes qui ont trouvé, plus ou moins. Bon, il y a Topo, mais bon, Topo, j'ai envie de dire que ça compte pas. Hein. C'est un peu trop facile quand il s'agit d'animaux. Ouais, quoi. Il a même annoncé même d'animaux imaginaires, mais quand il s'agit de... Voilà, surtout d'animaux bizarres, en fait. Donc ça, c'est juste d'animaux bizarres, Topo est un peu incollable. Par contre, il y a Bénédicte Huck sur Twitter qui a trouvé, alors ça a été accepté, je crois, Marco, c'est ça, elle avait proposé Canagator ou Crocanard. Une sorte de version française. Crocanard, quoi. Oui, on l'accepte, on va dire que Crocanard, ça peut être Crocoduck en français. Voilà. Et par contre, on a une proposition qui est fausse, mais qui est très amusante, c'est Dashgami qui a proposé le Crocododo. Voilà, qui est une sorte de croisement entre le crocodile et le dodo, j'imagine. Ah oui, pas mal, ouais. J'aime bien aussi. Je crois qu'on a des nouvelles propositions dans la chatroom, là on parle de... Ouais, on a le Tinaroduck, le Doctor et le Canigator. Ouais, c'est sympa. Voilà, donc ensuite, grande première, on a enregistré un numéro depuis New York, chez Pierre Kerner, qui était alors un postdoc à Cornell. Et un évolutionniste pouvant en cacher un autre, ben on a accueilli Marco à l'antenne la semaine suivante pour la première fois. On a ensuite parlé de supraconductivité et d'innovation avec Laurent Miéville, spécialiste en partenariat public-privé au service de l'innovation. Et puis l'épisode 42 a été assuré par un auditeur, Gleb, alias Guillaume Lebrun, qui avait envie de nous parler des extrémophiles. Puis nous avons parlé du CERN pour préparer notre IRL de l'année dernière. Lapin d'Antoine, ensuite, dont on ne savait pas où il était passé, alors que c'était lui qui était en charge du dossier de la semaine. Épisode Sauvé in extremis par Marco, qui avait soumis à notre approbation un petit dossier sur les mythes scientifiques dont nous nous sommes emparés avec Mathieu pour avoir quelque chose à dire. Et après ça, on a eu la chance d'avoir un invité prestigieux pour l'épisode 45, en la personne d'André Kuhn, expert de renommée mondiale en criminologie. On écoute un petit extrait. Et j'aimerais quand même revenir sur cette idée d'étranger, hein, dans la criminalité. Je prends un exemple tout d'abord un petit peu idiot pour essayer d'expliquer ensuite l'étranger. Nous savons aujourd'hui très clairement que les adultes de plus de 175 cm commettent beaucoup plus d'infractions que les adultes de moins de 175 cm. Hein, donc c'est très clair. À partir de là, on peut se dire, bon, ben, on va faire une politique criminelle qui consisterait à couper les jambes des gens les plus grands. On pourrait envisager ce genre de choses. Mais si on y réfléchit un tout petit peu plus, on observe que les gens de plus de 175 cm, eh bien, ce sont majoritairement des hommes. et les gens de moins de 175 cm, ce sont majoritairement des femmes. Et donc, c'est la différence homme-femme qui est significative, ce n'est évidemment pas la taille qui va jouer un rôle dans l'explication de la criminalité. Mmh. Pour les étrangers, c'est exactement la même chose. La variable étranger, comme la variable taille dans ma relation que j'ai faite avant, la variable étranger, elle est complètement contenue dans les variables sexe, âge, niveau socio-économique et niveau de formation. Et lorsqu'on explique la criminalité par ces quatre variables, eh bien la couleur du passeport n'explique plus rien du tout. Et donc, si on comparait des populations comparables, c'est-à-dire des jeunes hommes étrangers à des jeunes hommes suisses, eh bien, on observerait qu'ils ont exactement le même niveau de criminalité. Et pourquoi est-ce que finalement on trouve une surreprésentation des étrangers? C'est tout simplement parce que parmi la population migrante, il y a beaucoup plus de jeunes hommes, hein, migrantes dans tous les sens, hein, vers nos pays ou de nos pays. Hein, la population migrante, elle est principalement constituée de jeunes hommes, et c'est justement la catégorie des gens les plus criminogènes, et c'est donc ceux-là qui vont commettre des infractions à l'étranger. Voilà, il me semblait important là aussi de repasser un petit extrait. Il y a encore un nombre d'idées reçues qui ont été démolies, complètement démontées de manière systématique et parfaitement rigoureuse par André Kuhn pendant cet épisode. C'était assez super. On nous demande dans la chatroom si on tient le compte des idées reçues cassées sur Podcast Science. Non, on aurait dû faire un tag. C'est probablement quelques dizaines, quand même, je crois. C'est quelque chose qu'on aime bien faire. Donc après cet épisode 45 avec André Kuhn, que j'avais co-animé avec Xavier Agnès à l'époque, qui s'était improvisé animateur, avec grand succès d'ailleurs pour cet épisode, on a parlé de sciences économiques, on a parlé de musique et d'émotions, et de prosopagnosie, histoire de dire quelque chose. Quelqu'un se rappelle de la définition de prosopagnosie ? Définition exacte, je sais pas, non, mais c'est les gens qui reconnaissent pas les visages, non? Exactement, ouais. C'est une affection cérébrale, effectivement, qui empêche de reconnaître les visages. C'était un sujet sur lequel Marco, là aussi, avait envie de revenir, mais on va zapper l'extrait, parce que je crois, Marco, c'est de nouveau une indication de plus que la réalité est construite à travers nos sens. Oui, c'était un peu la même réflexion que pour la synesthésie. C'est vrai que je pense qu'aussi les gens qui ne reconnaissent pas les visages, pour eux, c'est la normalité. Ils ne se rendent peut-être pas compte de leur handicap. Enfin, j'en sais rien, parce que je suis pas atteint de prosopagnosie, mais je pense que ça doit être une normalité pour eux au quotidien. Voilà, donc ça m'avait un peu interpellé aussi, j'avais vraiment apprécié ce podcast. On a Jeanne Calac qui est dans la chatroom qui nous dit: c'est facile, la prosopagnosie est un trouble de la reconnaissance des visages, elle s'apparente à l'agnosie visuelle, ben, c'est exactement ça. Et puis DJ Shorn qui dit: prosopagnosie, Thierry Lhermitte. Effectivement, Thierry Lhermitte est atteint de prosopagnosie. Les gens savent tout dans la chatroom, c'est épatant. On est arrivé gentiment à la fin de la première saison qu'on a fini en toute beauté avec un magnifique dossier en trois volets de notre ami Pierre Kerner sur l'arbre du vivant. Mathieu, tu voulais revenir sur un extrait qu'on va écouter tout de suite, c'est la définition du vivant qu'avait tenté de nous donner Pierre. En effet, le vivant peut se définir par différentes capacités. Capacité à croître, capacité à se nourrir, capacité à se reproduire et capacité à évoluer. Cependant, j'aimerais faire une mise en garde sur les définitions. Une définition, si précise soit-elle, ne garantit pas une représentation fidèle de la réalité. C'est surtout le cas en biologie, car souvent les définitions s'effondrent quand on éprouve leurs limites. J'ai d'ailleurs trouvé une quote parfaitement adéquate pour voler un petit peu la vedette à Mathieu. C'est une citation de Richard Dawkins dans son ouvrage « Le gène égoïste » et qui donne en anglais « Human suffering has been caused because too many of us cannot grasp that words are only tools for our use and that the mere presence in the dictionary of a word, like living, does not mean it necessarily has to refer to something definite in the real world. » La traduction étant: Beaucoup de tort a été fait parce que la majorité d'entre nous n'arrive pas à accepter que les mots sont uniquement des outils pour notre usage et que leur seule présence dans un dictionnaire, comme pour le mot « vivant », ne signifie pas nécessairement qu'ils se réfèrent à quelque chose de concret dans le monde réel. Voilà. Et Mathieu, donc tu voulais revenir là-dessus ? Oui, bon, là, donc Pierre Kerner avait fait 3 épisodes, donc une fameuse trilogie mythique où il avait justement, dans le premier épisode, il avait parlé d'une part de l'origine du vivant et de la définition du vivant, et dans les autres, il avait parlé un peu de la classification du vivant et de la manière phylogénétique de la classifier, de la classer. Mais moi, ça m'avait vachement intéressé, l'origine du vivant, parce que j'avais appris beaucoup de choses. Donc déjà, les différentes capacités qu'il a citées, donc capacités pour définir le vivant, capacité à croître, à se nourrir, à se reproduire et à évoluer. Après, il a aussi bien insisté sur le fait que la vie, ce n'est pas une substance dotée de propriétés, c'est réellement un processus. Et ça, je crois que c'est important d'essayer de retenir. Et c'est pour ça que j'ai envie de revenir là-dessus aussi, parce que bon, finalement, répétition et divulgation et répétition... Donc, reparler un peu de tout ça, je trouvais bien d'essayer de se rafraîchir les idées. Il nous avait aussi dit que, bon, voilà, il y a des cas un peu spéciaux, comme par exemple le mulet, qui est stérile. Donc, vu qu'il n'a pas la capacité à se reproduire, est-ce qu'on peut le considérer comme du vivant ? Je pense que oui. Donc, c'est une notion vachement, vachement difficile à définir, comme les virus aussi. C'est un peu entre les deux, on ne sait pas très bien où les situer. Et il nous avait aussi, ça m'avait vachement intéressé, avant de nous parler de la définition du vivant, il nous avait parlé un peu de l'origine du vivant, donc comment les premières protocellules sont nées. Donc il nous a expliqué qu'il y a 3,5 milliards d'années, il y avait une grosse soupe prébiotique avec des molécules qui ont commencé à s'assembler, et principalement il y avait des nucléotides qui ont donné l'ADN et l'ARN, des acides aminés qui ont donné des protéines. Et tout ça, ça a été attrapé dans des lipides, dans des sortes de bulles de lipides. Et cette bulle de lipides, avec cet ADN et ses protéines, a donné une sorte de protocellule, finalement, qui après a pu se diviser. Et voilà, et la vie est un peu partie comme ça, donc j'ai trouvé vachement intéressant. En tout cas, on a fini en beauté la saison 1, donc c'était les épisodes 49, 50 et 51. Ça vaut la peine de les réécouter si vous prenez le podcast en cours de route et que vous ne devez en réécouter que 3, je vous propose d'écouter ceux-là. L'une dans l'autre, à la fin de la saison 1, on avait reçu 11 invités, 6 chroniqueurs invités. On comptait quelques 6000 visites mensuelles sur le site. On en est à quelques 10 000 aujourd'hui. Et nous avions produit 50 heures de contenu versus 4 jours complets aujourd'hui. Et puis, c'est la saison 2, ouverture en fanfare avec les graisses alimentaires. J'avais vraiment besoin de comprendre ce qu'est une graisse saturée, une graisse hydrogénée, les oméga 3, les oméga 6, et pourquoi l'huile de palme est un véritable fléau environnemental, sanitaire et humanitaire. Et puis, plein de bonnes intentions pour la saison 2. On avait l'intention de trouver un invité chaque mois, histoire de passer moins de temps à la préparation des dossiers. C'est resté juste une intention, quoi. Une expérience super intéressante, mais qu'on a un peu oublié de reconduire. Ça pourrait être un bon objectif pour la saison 3. Ensuite, on a reçu Julien Stervinou dans l'épisode 53 qui nous avait parlé de voitures volantes, qui sont une réalité, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et puis, Mathieu s'était attaqué à un gros dossier sur l'évolution du langage chez l'humain en 2 épisodes, puis finalement 3, grâce au complément d'infos de Thierry Reber, un auditeur accessoirement chercheur en linguistique. Et entre deux, Marco a officiellement rejoint l'équipe et nous a présenté son premier dossier sur l'évolution avec l'histoire du Lampsilis, ces coquillages qui doivent leurrer les poissons pour pouvoir se reproduire. Et puis, c'était l'époque du gros buzz sur les neutrinos supraluminiques, avec un petit dossier pour y voir un peu plus clair, et une illustration de Grégory Michnik pour fêter les débuts tout court de Strip Science. Et balaboum, révolution, en octobre 2011, après 57 épisodes, Mathieu nous annonce qu'il quittera le podcast à la fin de l'année. Panique à bord, je vous dis pas, avant finalement il n'a pas complètement quitté, puisqu'il est avec nous aujourd'hui, puis qu'il revient quand même de temps en temps. Mais on avait publié de rechef une annonce pour faire face à la mission impossible de recruter un remplaçant pour cet irremplaçable compagnon d'aventure. Et en attendant l'arrivée de la Perle rare, l'aventure a continué. Mathieu nous a parlé des exoplanètes, des conditions chimiques nécessaires à la vie, donc justement ce dont tu viens de parler, avec l'aide de Xilrian qui est venu nous présenter son podcast, nouveau à l'époque, et Life, vie artificielle, et de Jean-Michel Abrassard du podcast Scepticisme scientifique qui nous avait parlé d'une expérience ou presque de premier contact avec l'expérience radiophonique de la guerre des mondes. Puis Marco nous a parlé de la pauvre mère Kiwi, condamnée à accoucher péniblement d'un œuf presque aussi gros qu'elle. Et nous avons parlé un peu de géologie avec Clément Michou, un nouvel invité doctorant à l'Université de Lausanne. Et dans l'intervalle, on a reçu plein de candidatures. On en avait retenu deux, c'était Franck et Hélène à l'époque. Franck devait lire son mail de candidature, mais comme il est là, il n'est pas là, ben tant pis. On en était déjà à l'épisode 63, qui était son tour de chauffe, justement, à Franck, qui nous a présenté comme ça, comme un coup d'essai, son dossier sur la pandémie du sida. Inutile de préciser qu'après 10 secondes à l'antenne, on savait qu'on allait le garder. D'ailleurs, à ce propos, John Callack, notre ami fidèle de la première heure qui est dans la chatroom, avait bien résumé l'accueil. Il a dit un grand bravo à Franck qui nous livre un dossier passionnant et qu'il nous compte avec brio. Ce n'est pas un exercice facile et ça s'est passé de façon remarquable. Voilà, comme ça c'est dit. Autre grande première pour l'épisode 64, l'arrivée d'une voix féminine sur le podcast avec le tour de chauffe d'Hélène qui a exploré la médecine pour tenter de comprendre quelle maladie pouvait bien expliquer le mythe du vampire. Puis on a enchaîné avec une autre voix féminine, celle de Lia, qu'on avait déjà entendue l'autre fois pendant la saison 1, avec un dossier sur la zoothérapie, plein de vues très personnelles qu'on a découvertes pendant le podcast, que je préfère ne pas commenter, mais on n'a plus entendu Lia depuis. Et puis Mathieu est resté sur le thème des animaux domestiques pour soigner sa sortie, puisqu'il nous a offert pour son dernier podcast régulier le fameux chat de Schrödinger, vivant et mort à la fois. Et Mathieu est parti tout en restant, mais moins souvent. Un chat vivant et mort à la fois, c'était suffisamment déjanté pour attirer les curieux. Il a inventé le podcasteur quantique, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis cet épisode a donné lieu à un commentaire dont je me souviens encore comme si c'était hier. Commentaire que tu vas peut-être nous lire, Nico. Ouais. Alors, salut. Tout d'abord, merci pour vos podcasts. Que ce soit sur des sujets dont j'ai déjà entendu parler ou des sujets que je découvre, je prends toujours plaisir à les écouter. En bon français, je vais me permettre de faire une petite critique. Dans la plupart de vos podcasts, il vous arrive de faire des erreurs, sûrement par connaissance limitée sur le domaine, dans le domaine sur les mathématiques en lien direct ou indirect avec les sujets du podcast. Pour exemple, dans ce podcast, donc le chat Schrödinger, vous parliez des postulats de la mécanique quantique en faisant le lien avec les axiomes des mathématiques. L'un de vous demandait s'ils étaient plus vrais ou vérifiés que dans la mécanique quantique. C'est justement une différence énorme entre un postulat et un axiome. Un postulat est une hypothèse supposée vérifiée qu'à ce jour on n'a pas réussi ou pris le temps de démontrer, et sur laquelle on va se baser pour construire une théorie. Un axiome, en revanche, est une vérité indémontrable. Oui, ça devient tordu. C'est-à-dire que c'est un postulat pour lequel il n'y a aucun espoir d'avoir une preuve ou une démonstration. L'exemple le plus célèbre est l'axiome d'Euclide. Par tout point extérieur à une droite passe une unique droite parallèle. Il permet de construire toute la géométrie euclidienne. D'autres axiomes contradictoires sont tout aussi utiles pour construire des théories. Par un point extérieur à une droite, il passe aucune droite parallèle, qui permet de construire la géométrie elliptique. Ça me donne l'occasion de vous dire qu'un podcast centré sur les mathématiques compléterait, à mon avis, votre palette de sujets abordés. Voilà. Yep. Et donc, cet auditeur qui nous a envoyé ce message, ben, c'était toi, Nico. Moi. Voilà. Je me rappelle, tu as répondu, ben, si, puisque tu es si malin, viens nous présenter un dossier. C'est ça. Et puis, après aussi, moi, je me rappelle avoir discuté dans les jours qui suivaient avec Robin, qui est venu faire le théorème de Gödel sur la notion d'axiome et de postulat, et me rendre compte que c'était pas si absolu que ça, tout le monde avait sa définition, et que donc, c'était un commentaire qui était à moitié faux, mais qui a permis de se mettre en contact, quoi. Nouvelle petite révolution pour le réveillon, c'était juste après. On a mis en pratique les bonnes résolutions que Franck avait amenées avec lui en arrivant, et hop, on est passé au live, avec l'aide de la technologie de Newiz, une wiki radio bretonne spécialisée dans l'innovation. C'est Marco qui s'est dévoué pour le premier épisode en live et qui a essuyé les premiers plâtres de cette nouvelle technologie qui était, on s'en est rendu compte plus tard seulement malheureusement, incompatible avec notre matériel et notre configuration. Et le plus ironique, c'est que Marco parlait de l'évolution de l'audition et on s'entendait à peine à cause de l'écho. Et bon, dans la foulée, on a traité de la mémétique, des cellules souches, de l'énergie photovoltaïque, des méthodes de datation, toujours avec de l'écho et divers problèmes de son. On s'est fait taper sur les doigts par quelques auditeurs bienveillants car cela faisait trop de changements en même temps. On a remis un petit peu d'ordre dans la formule une nouvelle fois. Enfin, un peu d'ordre, ça nous a quand même pas empêché une confusion totale lors d'un second épisode épique sur les lolcats, donc sur la mémétique, avec une interview conduite par Franck depuis sa voiture pour cause de panne de Wi-Fi. Et puis Xilrian, David, était venu nous parler de vie artificielle, de singularité, avant l'arrivée en fanfare justement de Nico qui voulait soigner son entrée avec un épisode époustouflant sur l'infini, les infinis plus grands les uns que les autres, les infinités d'infini. Alors rien que d'y penser, j'ai mal à la tête. Et puis on arrive gentiment à la période contemporaine. Marco nous a parlé de l'ornithorynque, Franck des antibiotiques, Nico de Pi, je me suis attaqué à un gros dossier que j'avais envie de faire depuis longtemps, le défi alimentaire en deux épisodes. Avant qu'on décide de raconter n'importe quoi comme d'habitude à l'occasion du 1er avril. Puis on a enchaîné avec trois sujets en rapport avec l'informatique, une fois n'est pas coutume, avec le logiciel libre, les algorithmes et les algorithmes de recommandation, avant de faire un nouveau gros machin qui m'a beaucoup plu, même si au final c'était sans doute un peu long. C'est un épisode à trois voix, donc David, Nico et moi-même, à l'occasion de la présidentielle française. On a challengé le concept même de démocratie en passant à la moulinette de la psychologie, de la philosophie et des mathématiques. C'est paradoxalement, ou je ne sais pas si c'est paradoxal, mais en tout cas, c'est un des épisodes les plus populaires à ce jour en nombre de downloads. Et puis, Marco nous a présenté l'incroyable expérience de Lenski, ou l'évolution qui se déroule sous nos yeux en laboratoire, avant une nouvelle évolution du concept. En effet, à l'occasion de l'épisode 86 diffusé en mai dernier, on a abandonné NewWiz pour se débrouiller avec nos propres moyens pour assurer le live. Nico fait désormais des illustrations en direct lorsqu'il est là. J'ai pas trop eu l'occasion de regarder ce soir, mais enfin, je pense qu'il n'y en a pas eu des tonnes, il y en a eu deux. Mais... D'accord. donc elles sont visibles à côté de la chatroom sur notre nouvelle page de live. Pour les gens qui ne nous écoutent pas en live, mais qui suivent le podcast, en général, vous pouvez retrouver un lien sur les illustrations de Nico dans les notes de l'émission. Ça conduit sur un Tumblr. On retrouve évidemment ces illustrations sur Strip Science aussi. Là, on avait commencé avec l'épisode des fourmis qui se prêtait particulièrement bien à ça. Il nous avait fait des braves fourmis paysannes. C'était très drôle. Et puis pour le reste, bon, on va passer très rapidement dessus, car à moins que la centième ne soit votre tout premier épisode de Podcast Science, bah, vous les avez probablement encore bien frais en mémoire. On a parlé de bioéthique, on a parlé du palais de la découverte, de la créativité, des satellites artificiels, du théorème d'incomplétude de Gödel avec Robin Jamais, des cancérogènes. Et puis Cyril, le frère de Franck, est venu nous présenter son travail sur les mathématiques de la formation des bouchons. Et Nico y a ajouté sa touche artistique. Nous avons parlé de la sieste aussi, des trucs mnémotechniques utiles en classe de sciences, du concept de race, des maths comme courant artistique. Ouais, c'était l'été, on s'est un peu lâché sur les sujets plus relax. Et puis enfin, on a parlé la semaine dernière de l'histoire du nucléaire civil avec Yves, un auditeur courageux et passionné qui a pris la parole à l'antenne et qui nous a fait un dossier absolument sensationnel. C'était le dossier 99-99. Sur l'histoire des centrales nucléaires, où moi aussi ça a bouleversé toutes sortes d'idées reçues. Ce dossier, c'était vraiment bien. Donc voilà, fin de cette longue rétrospective. C'était assez cool pour moi de pouvoir me replonger dans tout ça. Je me rends compte du nombre de dossiers dont on a parlé, puis j'ai l'impression qu'on a même pas encore commencé à effleurer le début de tout ce qu'on peut dire dans un podcast scientifique. Espérons que ça continue longtemps. Nico, on a une question de Mantine qui voulait poser des questions. Et donc sa première question est combien de fois vous réunissez-vous par mois pour préparer les futurs sujets? Là, elle va être étonnée. C'est zéro, c'est ouais, ça? C'est ça. Donc voilà, zéro fois, Mantine. Ensuite, combien d'épisodes sont planifiés à l'avance? Ça, je ne sais pas si on peut le dire pour ne pas casser le mythe. À force de casser des mythes, on peut aussi casser celui du podcast bien préparé, bien organisé. Donc, est-ce qu'on a les programmes jusqu'à la fin 2012? Alors, en toute honnêteté, non. Non. Voilà. Ni on jusqu'à la fin 2013. Mais on n'a même pas jusqu'à la fin août, en fait. Enfin, si jusqu'à la fin août, on sait qu'on va faire une pause la semaine prochaine, qu'on va reprendre en septembre. On ne sait pas encore si ce sera le 6 ou le 13, mais en toute honnêteté, on ne sait pas encore avec quoi. Alors, on a une ou deux pistes. On sait que Robin Jamais va revenir nous voir. Moi j'ai envie de préparer un dossier sur l'introspection. Nico veut nous parler du zéro. Moi, après avoir parlé de l'infini, je veux parler de rien. Oh, mais les sujets de Nico, j'adore trop. Mais voilà, à l'heure où on vous parle, il n'y a pas une ligne de rédigé encore, et puis on ne sait pas à quelle date on va les faire. Il faut savoir qu'on bosse tous quand même à côté, qu'on a des boulots prenants, qu'on bosse beaucoup, et puis qu'on fait le podcast quand on peut, comme on peut, et honnêtement, c'est un véritable miracle qu'il puisse avoir lieu chaque semaine. Je ne sais encore pas comment on fait, parce qu'on n'est vraiment pas organisé pour. Voilà, voilà. On avait l'intention aussi de parler des événements qui nous ont beaucoup marqués pendant cette période 2010-2012, mais alors, précisément, faute de temps, on n'a pas préparé grand-chose. Il n'y en a qu'un qui est sérieux parmi nous, c'est Mathieu, qui voulait revenir sur un des événements scientifiques importants auxquels on n'a pas tous compris grand-chose. Il faut dire qu'on n'avait pas tellement Mathieu sous la main pour nous l'expliquer, donc ça va être, le tir va être corrigé tout de suite. Mathieu, tu voulais revenir sur le boson de Higgs. Oui, le fameux boson de Higgs dont tout le monde a entendu parler, cette découverte. Alors bon, je vais de nouveau casser une idée reçue. On a tous entendu dire que le boson de Higgs était responsable de la masse de la matière. Alors il est responsable en très petite proportion, en fait. Il y a d'autres raisons qui la grande partie de la masse de la matière est due à d'autres raisons que le boson de Higgs. Alors je vais revenir là-dessus dans cet épisode, dans ce dossier. Peut-être juste avant de commencer le dossier, je vais juste rappeler deux trois notions fondamentales pour qu'on ait tout ça en tête. J'en ai déjà parlé dans les dossiers que j'avais fait auparavant. Alors dans la nature, il y a quatre forces fondamentales. La force de gravitation que tout le monde connaît. La force électromagnétique. Ah, moi je peux demander à professeur Kahn, peut-être. Il est en train de. Je suis en train d'énumérer sur le bout de mes doigts, voir si je me rappelle. Alors, effectivement, il y a la gravitation, ouais. Il y a la force électromagnétique. Ouais. On croyait au départ que c'était deux forces, et puis on a Maxwell les a unifiées en une seule force. Et puis il y a la force nucléaire faible, ouais. Et la force nucléaire forte. Voilà. C'est ça. Ouais. Il y en a une des deux qui est responsable de la radioactivité, puis l'autre qui tient ensemble les. Ouais. L'interaction faible est liée à ce qu'on appelle la désintégration bêta, c'est une forme de radioactivité. Okay. Et l'interaction forte, c'est celle qui est responsable de la cohésion du noyau de l'atome. Yeah, d'accord. Donc quatre forces fondamentales. Il y en aura peut-être plus que trois après ce dossier, on verra. Ah. Juste, tu parles de dossier, on va peut-être quand même préciser pour les auditeurs qui nous suivent que ça ne va pas être un dossier d'une heure et demie. Non, alors ils m'ont challengé, je dois faire ça en 10 minutes, je crois que ça va tenir entre 10 et 15 minutes. Prends tes coups. Alors, je continue juste encore un petit rappel. Des particules élémentaires, il y a deux grandes familles. Il y a la famille des fermions et la famille des bosons. Donc les fermions, ce sont les particules élémentaires de type qui constituent vraiment la matière de type quark, électron. Et les fermions sont des particules élémentaires un peu spéciales qui ont pour rôle de véhiculer les forces, de transporter les forces. Donc chacune de ces quatre forces fondamentales a un boson associé. Alors par exemple, la force électromagnétique, c'est le photon. L'interaction faible, on les appelle bosons W et Z. Bon. L'interaction forte, ça s'appelle le gluon. La particule élémentaire s'appelle le gluon, l'interaction forte. Et pour la force de gravitation, il est censé s'appeler graviton, mais on ne l'a pas encore découvert. Donc on est toujours à sa recherche. Alors, je vais revenir sur le boson de Higgs. On a tous lu ou entendu que le 4 juillet 2012 dernier, le CERN a annoncé avoir identifié avec un degré de confiance en Suisse de 99,99997%, donc 5 sigma, donc une probabilité vraiment très élevée, d'avoir découvert donc une nouvelle particule de type boson. Alors le CERN a effectué deux expériences séparément dans deux détecteurs distincts du LHC. Ces deux détecteurs, c'est ATLAS et CMS. Et les résultats obtenus dans les deux cas indiquent avec une probabilité très forte l'existence du boson de Higgs. Toutefois, il faut rappeler avec prudence que le CERN a aussi indiqué que des études complémentaires seront nécessaires pour déterminer si cette nouvelle particule possède l'ensemble des caractéristiques prévues pour le boson de Higgs. Alors, on fait quand même un petit peu de précaution. Le boson de Higgs, c'est une particule élémentaire dont l'existence permet d'expliquer pourquoi certaines particules ont une masse et d'autres n'en ont pas. Alors, pour bien comprendre le phénomène, il faut plutôt parler du champ de Higgs, qui est le champ qui interagit avec les particules élémentaires de matière et qui leur alloue une masse. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va prendre une image. On va imaginer une piste de ski enneigée, qu'on peut considérer comme le champ de Higgs. Et sur cette piste, on peut avoir différents types de personnes. On peut avoir des skieurs qui glissent bien sur la neige. Donc là, ce serait le cas des particules peu massives, qui interagissent peu avec le champ de Higgs, voire de masse nulle, comme le photon. Mais sur cette piste de ski enneigée, donc sur ce champ de Higgs, on pourrait avoir des randonneurs en raquettes, qui arrivent à marcher sans trop de difficultés sur la neige, sans pour autant glisser comme les skieurs. Donc là, on serait dans le cas de particules moyennement massives. Et puis, on peut aussi imaginer des promeneurs en moon boot qui s'enfoncent dans la neige jusqu'aux genoux. Alors là, on serait dans le cas de particules très massives. Alors, quand on dit que le boson de Higgs donne une masse aux particules élémentaires, c'est pas tout à fait exact. Pour être rigoureux, le boson de Higgs n'est qu'une manifestation du champ de Higgs et du mécanisme de Higgs, qui lui donne la masse aux particules élémentaires. Alors par analogie, on va nous essayer de faire une petite analogie, on pourrait dire que le champ de Higgs, c'est l'eau de l'océan, et les bosons de Higgs représentent respectivement l'énergie que transporte chacune des vagues qu'on a sur l'océan. Alors s'il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de boson de Higgs. Mais le champ de Higgs, il est toujours là. Donc l'océan, il est toujours là. Mais s'il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de boson. Le boson de Higgs se matérialise uniquement lorsqu'une interaction génère une vague sur l'océan, c'est-à-dire, par analogie, lorsqu'un objet interagit avec de l'eau, ou une particule avec le champ de Higgs. Donc on a tous déjà fait l'expérience, selon la forme et la taille, il est plus ou moins facile de mettre en mouvement un objet dans l'eau. Là, c'est un peu la même idée avec les particules et le champ de Higgs. Le mécanisme de Higgs rend donc d'ailleurs abusif le fait de parler de masse de telle ou telle particule, puisque la masse n'est plus une propriété intrinsèque des particules élémentaires, mais une mesure de leur interaction avec le champ de Higgs. Donc il faut faire attention. Alors il faut savoir que la complexité des phénomènes intervenant dans la détection de ces bosons conduit à raisonner en termes de statistiques plutôt qu'en termes d'identification formelle à 100% du boson. Ainsi, pour affirmer une découverte en physique des particules, la probabilité d'erreur doit être inférieure à 0,00006%, ce qui correspond en formalisme statistique à un écart-type de 5 sigma. Et une telle démarche statistique implique donc de provoquer un très grand nombre de collisions lors des expériences pour aboutir à des niveaux de probabilité élevés. Alors, les mesures ont permis d'indiquer que cette nouvelle particule se situe dans un domaine de masse ou dans une plage énergétique de l'ordre de 125 à 126 GeV, donc gigaélectronvolt. Pour rappel, on sait depuis la théorie de la relativité d'Einstein que masse et énergie sont équivalentes. C'est la fameuse équation E égale mc carré. Donc E énergie est égale à masse fois vitesse de la lumière au carré. Donc ça veut dire qu'une particule dotée de masse peut se transformer en énergie et vice-versa. C'est pour cette raison qu'on a l'habitude d'exprimer la masse des particules avec une unité d'énergie, comme le MeV, le mégaélectronvolt, ou le GeV, le plus haute énergie, le gigaélectronvolt. Donc en général, il n'existe pas de boson de Higgs autour de nous. Il faut effectuer des chocs entre des particules, donc, ou LHC en utilisant en l'occurrence le proton, des protons. Donc il faut faire des chocs entre particules pour exciter le champ de Higgs et fabriquer ainsi des bosons de Higgs. D'ailleurs, ces bosons de Higgs obtenus vont généralement se dissiper très rapidement, ce qui ne facilite pas les expériences. Alors, comme on le voit, le mécanisme de Higgs permet d'expliquer comment les particules élémentaires, donc les fermions et les bosons, acquièrent de la masse. Mais il n'explique pas à lui seul la masse des particules non élémentaires, comme les protons et les neutrons. Alors, les protons et neutrons ne sont pas des particules élémentaires, car ils sont eux-mêmes constitués de particules encore plus élémentaires, qu'on appelle des quarks, qui sont des fermions. Alors, autant le proton que le neutron, les deux sont constitués de trois quarks. Alors, il y a différents types de quarks aussi. Le proton, il est constitué de deux quarks up et un quark down, et le neutron, il est de un quark up et deux quarks down. La masse du quark up, alors là, c'est important, c'est là où on va voir un peu l'histoire. La masse du quark up est estimée à environ 3 MeV, mégaélectronvolts. La masse du quark down, elle est estimée à environ 6 MeV. Si on somme les masses des 3 quarks du proton, on arrive à une masse d'environ 12 mégaélectronvolts. D'accord ? Or, la masse du proton a été mesurée et elle est de 938 mégaélectronvolts. Donc la masse des quarks constituant du proton, qui est la masse due au champ de Higgs, représente en réalité environ 1% de la masse totale du proton. Donc tu as dit c'est 12, alors qu'on cherche à justifier 938. Voilà. Ah ouais, ouais. C'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Non, regarde. Donc d'où vient donc le 99,99% restant de la masse du proton? Eh bien, le 99% de masse restante est dû à l'énergie que les trois quarks acquièrent en interagissant entre eux. C'est en fait l'interaction forte, l'une des quatre forces fondamentales de la nature qu'on avait définie avant. Donc cette force, c'est celle qui permet de maintenir la cohésion du noyau de l'atome, et c'est-à-dire de maintenir les quarks constitutifs des protons et neutrons ensemble. Et les quarks sont fortement liés entre eux par l'interaction forte, ou plus précisément par les gluons. Donc le gluon, c'est la particule élémentaire, le boson responsable de l'interaction forte. Et pour maintenir les quarks fortement liés entre eux et la cohésion du proton, les gluons met en jeu une quantité d'énergie de liaison énorme qui se manifeste comme une contribution considérable à près de 99% de l'énergie totale et donc de la masse, E égale mc carré, des protons et des neutrons. Donc, comme un électron est environ 2000 fois plus léger qu'un proton ou un neutron, il en résulte que la masse des atomes est portée très majoritairement par les protons et les neutrons des noyaux. Ce sont donc d'autres bosons que celui de Higgs, les gluons en l'occurrence, qui expliquent la masse des objets autour de nous. Et le champ de Higgs ne contribue donc qu'à un petit pourcent de la masse totale du noyau de l'atome, c'est-à-dire à 1% de la masse atomique, et in fine à 1% de la masse des objets qui nous entourent, à 1% de notre propre masse et 1% de la masse de l'univers. Alors, la découverte du boson de Higgs ne nous donne pas seulement des indications sur l'origine de la masse des objets de l'univers, mais elle confirme ce qui constitue, ni plus ni moins, l'une des clés de voûte du modèle standard de la physique des particules. En quelque sorte, elle vérifie l'existence d'une des pièces manquantes au modèle, tout en permettant ainsi d'orienter la recherche au-delà du propre modèle standard et ouvrir des portes vers une nouvelle physique. Alors, je vais citer 2-3 exemples où ça peut nous amener cette nouvelle physique grâce au boson. Alors, la découverte du boson de Higgs permet d'expliquer la brisure de l'interaction. Alors là, ça va être un terme un peu barbare. Vas-y. La brisure de l'interaction unifiée électrofaible en deux interactions distinctes. Autrement dit, elle valide la possibilité d'unifier deux forces, la force électromagnétique et l'interaction faible, en une seule force qui serait l'interaction électrofaible. Ok. Donc, il y avait une théorie là autour, mais tant qu'on n'avait pas le boson de Higgs, on ne pouvait pas la valider, cette théorie. Et maintenant qu'on a le boson de Higgs, ben on peut presque dire qu'il n'y a plus que 3 forces fondamentales, et plus 4, c'est-à-dire la force électromagnétique et l'interaction faible subissent en une seule, qui serait l'interaction électrofaible. Et la découverte du boson de Higgs permet aussi de poursuivre les travaux sur les modèles de supersymétrie, des théories assez avant-gardistes en physique, qui pourraient peut-être nous aider à comprendre de quoi est constituée la matière noire, grâce au neutralino, j'en avais parlé dans l'essai de la matière noire. Neutralino qui est une particule prédite par la supersymétrie. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la physique que l'on découvre quelque chose qui n'est ni de la matière, donc qui n'est pas un fermion, ni un médiateur d'une force fondamentale, donc ce n'est pas un boson au sens classique du terme, parce qu'il est médiateur d'aucune force, le boson de Higgs. Et donc, on accéderait ainsi, via le boson de Higgs, à un territoire vraiment entièrement nouveau. Alors voilà. Ok, ça valait la peine de revenir 2 secondes dessus. Écoute, merci infiniment. Je crois qu'on n'aurait pas pu finir cette année quand même sans un dossier de Mathieu sur le boson de Higgs, même si ce n'était pas très long. Merci beaucoup. Nico, tu voulais peut-être nous faire un petit point sur un concours qu'on lance pour jusqu'à la prochaine fois, c'est ça. Ouais. Alors, on a décidé de faire un concours un peu spécial où ce qui a gagné, c'est un peu la surprise, vous verrez. L'idée, c'est qu'on va cacher, donc c'est pas encore caché, 10, on peut appeler ça des Easter eggs, enfin des petits logos podcast science dessinés par moi dans 10 dossiers, donc. Parmi les 99 autres épisodes. Et le but du jeu, c'est de retrouver ces 10 petits, petits personnages. Donc je vais vous mettre dans la chatroom à quoi ils ressemblent, juste après avoir mis ma plus mauvaise blague de l'épisode. C'est en cours. Donc le but du jeu, c'est de retrouver les 10 qui sont cachés. Alors je vous rassure, une fois que vous êtes dans le dossier, s'il y est, vous le trouverez. Mais c'est de la recherche, et donc il y aura un petit cadeau à gagner. Ok, donc ce ne sera pas sur n'importe quelle page du site. Non, c'est dans un dossier. Voilà. Donc déjà, ça fait un peu moins de 99 puisqu'il n'y a pas des dossiers pour tous les épisodes. Juste. Et donc ce sera dans un dossier un peu planqué, un peu au milieu du dossier, mais pas trop planqué parce qu'on n'est pas non plus des pervers. Un peu, mais bon. Il y en aura au moins un bien planqué. Ok, génial. Juste là, j'ai jeté un œil sur la chatroupe. Alors on a une quote pour aujourd'hui par Cédric. Nouvelle expression, tu me casses les gluons, mec. J'adore. L'image que je viens d'uploader, c'est un peu du même type de blague. Ok. Bon, vrai nom est Quark Kent. Excellent. Voilà. Bon, du coup, je vais mettre l'illustration donc du petit logo Podcast Science qui fait le signe victoire qu'il faut trouver dans 10 dossiers. Ok. Et puis, on arrive là gentiment vraiment au bout. Juste peut-être quelques indications sur des nouveautés à venir sans doute dans l'émission. Probablement un nouvel habillage sonore. Ce sera peut-être pas tout de suite à la rentrée, mais dans les premières semaines de la troisième saison. On ne peut pas en dire plus pour le moment, mais qui sait, il faudra peut-être commencer à s'habituer à avoir un gong décent pour introduire les quotes, voire à changer de générique. Ça va être plus difficile, on aime bien les génériques, on s'y habitue à force. Et puis, deux, trois petits plugs rapidement. La semaine spéciale Boson de Higgs, justement, sur Strip Science vient de se terminer. Alors, on vous mettra le lien dans la page des notes de l'émission. Vous pouvez aller voir tous les jours de la semaine d'un coup, et il y a vraiment des choses très inspirées, c'est super intéressant. Mathieu, tu voulais faire un petit plug aussi? Oui, j'avais déjà souvent parlé de Étienne Klein, un grand physicien français, mon maître à penser, et durant l'été, chaque samedi, il me régale une émission qui s'intitule 5 questions légèrement métaphysiques. Donc il y a 5 émissions, et dans chacune de ces émissions, il traite d'une thématique métaphysique. Alors, il y a qu'est-ce que le changement, qu'est-ce que l'origine, l'univers a-t-il connu un instant zéro, les voyages dans le temps. Ça, c'est les 4 premiers qu'il a déjà donnés, et la 5e, ce sera ce samedi, je pense. Et donc, c'est une émission qui nous a été recommandée sur Facebook par Didier Frein, je le remercie, et sur Twitter par Xavier Durussel aussi, et c'est passionnant. Je vous invite à écouter tout ça. Nico, peut-être qu'on peut parler, parce qu'on avait prévu de faire un concours, mais comme c'est passé à la trappe, des stats, parce que t'as rien dit, comme tu l'avais que... Et en plus, ça peut être marrant, parce que c'est à vérifier en live sur l'épisode le plus écouté de l'histoire de Podcast Science, parce que ça change toutes les heures, donc... Ok, ouais, c'est vrai. Donc, je crois que l'idée de départ, c'était qu'on vous fasse deviner le nombre de downloads qu'il y a eu sur les épisodes qui ont connu le plus de succès, donc finalement, on va vous donner le chiffre. Donc, sans compter les écoutes sur les wikiradios, les webradios, les portails de podcasts ou YouTube, juste les downloads que nous, on peut monitorer, c'est-à-dire ce qui est écouté directement sur le site ou dans vos applications de podcast ou sur iTunes ou comme ça, ou streamer, c'est 3727 fois. 3735 maintenant. Ah, c'est vrai? Sur le chat de Schrödinger, c'est ça? Ah non, j'étais sur l'autre. Donc 3729 pour le chat de Schrödinger. Ok, et 3729 sur l'épisode à trois voix sur la politique. Voilà, ça se talonne. Ouais, c'est rigolo. Ça fait quelques jours qu'on observe les stats sur ces deux épisodes. Et puis, de temps en temps, l'un passe devant l'autre. C'est juste épatant. Voilà, n'hésitez pas à aller réécouter votre épisode préféré des deux pour faire se discerner bien les deux stats. Nico a sa petite préférence entre les deux. Ah non, mais moi j'ai adoré les deux, pas pour les mêmes raisons. Et puis Vincent Le Breton, puisqu'on est dans les plugs, nous a signalé le concours speed dating de l'Académie des sciences. Nico, tu peux nous en dire un mot? Pas tellement, j'ai pas très bien compris ce que c'était, si ce n'est qu'il y a un questionnaire à remplir, et a priori à gagner, il y a une sorte de speed dating des sciences, c'est-à-dire on pourra être devant un scientifique connu et on lui poser des questions pendant un certain moment en tête à tête. Donc j'ai pas très bien compris ce que c'était, mais le questionnaire est pas très compliqué, donc vous pouvez vous amuser à y répondre, et puis si vous gagnez, vous nous raconterez ce que c'était. Voilà, il est sur le site de l'Académie des sciences et on mettra le lien dans les notes de l'émission. Absolument, on vient de le mettre dans la chatroom. Ok, et puis ben, là on arrive vraiment à la fin de la mission, du coup on va passer à notre petit rituel habituel. N'oubliez pas de noter le podcast Science, donc dans iTunes, laissez une petite note ou un petit commentaire sur notre site internet podcastscience.fm, où vous trouvez un petit plugin pour mettre des notes aux dossiers qui vous ont plu ou pas. C'est intéressant pour nous d'avoir ce feedback, ça nous permet de nous améliorer. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, à partager nos dossiers sur votre réseau social préféré. Ça nous aide à nous faire connaître du plus grand nombre, et puis ça aide à de nouveaux auditeurs de découvrir le podcast comme vous l'avez découvert une fois. Donc sur iTunes, vous nous trouvez sous Podcast Science, tout en un mot dans l'iTunes Store. Sur Twitter, on est @podcastscience, tout collé aussi en un mot. Facebook, c'est Podcast Science, et Google+, je vous les ai donné, c'est Podcast Science aussi. Prochaine émission, ben, on n'en a pas la moindre idée. On sait que ce sera pendant la saison 3, quelque part au mois de septembre. On vous tiendra informé. Et puis, d'ici là, ben, chercher les 10 petits logos Podcast Science dans les dossiers. Exactement, les 10 easter eggs. Il y aura, qu'est-ce que tu as dit qu'on pouvait gagner? Bon, on va gagner comme d'habitude un truc pour la gloire. T-shirt. Ou un bouquin dans la liste de choix. Exactement. Bon, on n'a pas encore bien décidé du cadeau, mais c'est en cours. Absolument. Et puis, ben, un immense merci à toutes les personnes qui avaient dans la chatroom ce soir qui nous ont écoutés en live. Et puis, ah oui, nom d'une pipe. Voilà. Après 2 ans de podcast, j'arrive encore à faire des erreurs de débutant. C'est absolument lamentable. Mais Mathieu vient de la rattraper en me faisant de grands signes. La quote, j'ai oublié la quote, la fameuse quote de Mathieu. Mathieu, dis-nous ta quote. Ah, surtout que je reviens, on va pas l'oublier. Ça. Bah ouais. Bon, t'as fait 700 bornes exprès pour nous dire ta quote. Alors en anglais. T'essaieras de la traduire, professeur. Ok, sachant que je ne l'ai pas sous les yeux, selon la tradition de Mathieu, on n'a aucune idée de ce qu'il va nous lâcher comme quote. Alors, what if oxygen made our voice deeper and helium made it go back to normal? Que se passerait-il si l'oxygène rendait notre voix plus grave et que l'hélium la rendait normale? Voilà. Enfin, que se passerait-il? Et si, c'est plutôt et si, hein. Voilà. Et si en fait l'oxygène rendait notre voix plus grave et l'hélium notre voix normale? Ouais, je ne m'étais jamais posé la question. Donc, ça va faire un Marco, parce que c'est. En fait, c'est que notre voix normale serait plus grave, surtout. On ne formulerait pas comme ça. Ouais, c'est ça. Ce serait marrant. Mais donc, ce serait l'oxygène qui altérerait notre voix c'est, bah oui, c'est le son dans le médium dans lequel il se déplace, il n'aura pas la même tonalité selon le médium. Donc ouais. Voilà, c'est une perception qu'on a de notre voix, mais qui est très subjective finalement. Ouais, c'est ce que j'avais pensé. Cool. Cédric dans la chatroom dit on aurait trop tous l'air de baryton. C'est-à-dire on parlerait tous avec des voix aiguës, puis on rigole, on serait tous morts de rire avec des voix graves. Voilà, voilà, c'est un peu ça. Et c'est une quote de qui? Une quote de Google+. D'accord, c'est toujours une bonne source d'inspiration. Ah, j'ai plus le nom, j'ai bien là, faut que je regarde le nom du type commissaire. Voilà, ça inspire des commentaires dans la chatroom aussi. Il n'y aurait pas de voix normale, ça dépend juste du milieu, c'est de Raculito. Et puis Yves qui demandait le peroxyde d'azote. Pingouin qui nous dit que les cordes vocales seraient peut-être différentes, exactement. Mais bon, c'était pour la beauté de la quote. Hein. Bah, on va s'arrêter là pour cette année, pour cette 100e. Encore un immense merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui interagissent, qui nous permettent de nous améliorer, qui font que le podcast est ce qu'il est. Et puis bah, à tout bientôt, à la saison prochaine. Et un merci tout particulier à tout ce monde qui est venu fêter la 100e en live dans la chatroom. Et à tous ceux qui l'écouteront dans la semaine, même après. Yep. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.